Et j'entendis une grande voix. Et j'entendis une grande voix. J'étais seul près des flots par une nuit d'étoiles. Pas un nuage aux cieux sur les mers, pas de voile. Mes yeux plongés plus loin que le monde réel. Et les bois et les monts et toute la nature semblait interrogé dans un confus murmure. Les flots des mers, les feux du ciel et les étoiles dans régions infinies. Abraham Baba savait mille harmonies, disait en indiquant leur couronne de feu. Et les flots bleus que rien ne gouverne et n'arrête, disaient en recouvrant l'écume de leur crête. C'est le Seigneur Dieu.